vie nous ronge. Égrégore donne corps à nos peurs, l'emprise transforme tout. Les hors-là se tiennent tapis près de nous. Celle qui a souvent barré ton horizon, qui t'a rassuré, ta pelle issue du monde des grilles en main, une pelle fermement tenue en main. Choubia s'était approché de toi pour te rassurer, semble-t-il. Mais tu avais manifestement quelques difficultés à l'entendre te dire quelque chose. C'est un étranger pour toi, c'est bien cela? Et celui qui t'inquiète plus que tout autre, c'est Hertz. Exact. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ta pelle là? Bousiller Orla, pourquoi? Pourquoi vous irais-tu à Orla? Y a pas d'Orla ici. Hein? T'as vu ses dents? Ça ressemble à des dents d'humains. Ils ont été tués, ça se sent. J'aime pas des dents d'humains. T'es sûr? Bah non. Regarde les dents. T'as vu comment elles sont? Un peu, justement. Pourquoi je prends ma pelle, alors? On a ce qu'il faut avec nous. Puis, il y a la zidouille, la gaude, elle a son sept cheveux. Je suis un caillou. Oui, mais faut pas l'user, hein, la formule. Parce que s'ils l'entendent trop, ils vont y être habitués après, là, hein. Et tu n'as pas le bon rythme, en plus. Si, ils sentent bien, l'ami. Ah, hey, gros câlin. Aïe. Il se colle contre toi. Tu sens encore un peu cette froideur, mais... quand il se détourne de toi, il a un grand sourire ravi. Bon, elle a fini de m'enlever ta vase. Parce que ça me rassure pas, hein, les dents dont tu parles là. Vous avez pas remarqué, mais c'est pas des cailloux ici. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Smerdy? Ce sont simplement des dents d'animaux. Peut-être qu'un Orla sommeille ici, mais en tout cas, il n'est pas sur notre route. J'ai zappé hier. Quelle est la masse de dents? Genre, c'est vraiment comme si on marchait sur un cimetière, enfin un charnier plutôt. C'est un amas de dents qui se confondent. Vous aviez d'abord cru qu'il s'agissait de cailloux et vous avez marché dessus, ça a crissé sous la semelle de vos chaussures. D'ailleurs, as-tu des sabots ou des bottes ou vas-tu nu-pied, Samael? J'ai des sabots. Oui, ça a craqué sous tes sabots. À chaque fois que tu appuies le pas, tu sens les dents crisser les unes contre les autres pour pour céder sous ton poids. Et se désagréger. C'est un amas sur une circonférence de 3 ou 4 fois la taille de pâquerette. Ce qui aurait pu être un simple affleurement de roches, de cailloux amassés, drainés par les eaux de serpentine au gré d'une de ses crues précédentes, s'est révélé être autre chose, mais dans la plaine étrange, cette espèce de tourbière envahie par les plantes singulières, elle ne jure pas avec les autres affleurements rocheux visibles à l'horizon. La question que l'on se posait à juste titre, c'est comment les dents sont arrivées. Est-ce qu'elles ont été traînées jusqu'ici pour servir un rite quelconque, ou est-ce que c'est une zone de meurtre, génocide, peut-être pas jusqu'à là, mais d'extermination. C'est peut-être un simple ancien champ de bataille de l'âge d'or qui serait en partie sédimenté. Il est relativement récent ton combat du coup. Hein. L'âge d'or n'est pas si loin. Certes, mais... Ça prend combien de temps les dents pour disparaître dans la terre? Je n'ai pas la durée exacte, mais longtemps. Mais tu vois bien qu'il n'y a pas de terre solide ici. Il y a plus d'une vie humaine. Nous n'avons pas la date exacte. Alors déjà, que les smerdis, ça pourrait être vrai. Ça pourrait être quelque chose de très ancien. Ça pourrait être quelque chose de très ancien, mais... Et puis... Ce faisant, il recule. C'est plus récemment ancien. Il ne marche plus dessus. Il se tient dans la boue, à la limite de la zone où s'amoncelle... les dents. Et puis j'entends... Dago des dragons se tiennent prudemment derrière lui. En fait, ce que dit Shubtia n'est pas tout à fait vrai. Dans les journaux qu'on a trouvés, que j'ai trouvé avec Moritz quand nous étions fossoyeurs, parce que nous avons trouvé des traces écrites. On ne sait pas pourquoi on a réussi à le lire. Et ça parlait de termes étranges que je ne comprends pas, d'archéologie, etc. Et puis, en fait, ils avaient réussi à trouver des ossements vieux de plusieurs centaines d'années. Alors, c'est bien plus qu'une vie humaine. Si ça se trouve, ils ont plus de 500, voire 1000 ans, ces dents-là, ces voies-là. 1000, peut-être ouais. Pas. Mais, en tout cas, les dents qui ont eu ces dents, ils sont morts. Et il faut pas rester près des morts. Hein. Heureusement, moi, c'est ma bouteille. Hein. Samael, toi, tu as ta peine. Mais on y regarde plus attentivement. Mm-hmm. Est-ce qu'on remarque que des dents, ou aussi des morceaux d'os, comme si tout avait été broyé en fin... Non, il n'y a que des dents. Ça me paraît quand même bizarre que ce soit que des cadavres alors qu'il n'y a que des dents. Il y a massivement des molaires. Pas d'incisives, quasiment que des molaires. Et il n'y a même pas de mandibule auxquelles pourraient être accrochées les dents, elles ont toutes été extraites. Pourquoi avoir placé toutes les dents ici ? Du temps de l'âge d'or, on raconte, je n'en sais rien, que des gens, des drôles de savants, retiraient les dents de certains quand celles-ci étaient de vecteurs de quelconque maladie ou imperfection. On les appelait même pendant un temps, je crois bien que c'est arracheurs de dents. Bah, j'ai pas envie de rencontrer moi les arracheurs de dents, alors je propose qu'on décanille tant qu'il est encore temps et qu'on n'a pas réveillé les plus vivants. Hein. Il n'y a pas d'autres enfants dans le coin ? Bah, j'en ai pas vu. T'en as vu, toi ? Non. À ma foi, il y a les horizontaux. Bah, peut-être, mais moi, j'en ai pas encore vu. Là, peut-être qu'il y en a dans Cassel, mais ici, j'en ai pas vu. Dragon et la jeune Gaude se sont éloignés, ils ont repris le chemin. Et, on est sûr, on est peur. Ils s'éloignent vers la brume et... d'étranges plantes que vous n'avez pas coutume de voir dans le cœur de forêt. Ces plantes que vous aviez aperçues du haut du monticule et qui bordent le chemin maintenant. La vache, elle, reste bien sur le chemin, elle a roulé des yeux inquiets en direction des plantes elles-mêmes, elle n'a pas l'air rassurée. Tu le sens à son attitude. Tu l'as souvent accompagnée par monts et par veaux, y compris au cœur de la forêt sombre et noyée qui t'a mené depuis le pays gris jusqu'à Cachel. Les deux se sont arrêtés. Par là, j'entends Dragon et son toupet de cheveux noirs. Il s'est agenouillé au bord du chemin. À cet endroit, il y a une espèce de mare et il observe celle-ci attentivement, tournant la tête vers son ami Lagaude qui s'est agenouillé à côté. Erf s'en va au petit trot les rejoindre. Hey, qu'est-ce que vous avez trouvé là ? Oh, c'est beau. Donc, ils sont penchés sur la petite mare qui est aux abords même du chemin. Le chemin, il est fait d'un amas de pierres anciennes du temps jadis, craquelées. Autrefois, ça a dû être un revêtement qui a dû être uniforme. Mais maintenant, il est craquelé, fendu par endroits, percé par les végétaux qui l'ont distendu, fractionné. Mais il y a des portions qui demeurent presque intactes. Et ça a la rugosité du petit muret de pierre, mais les pierres ici sont d'un gris presque uniforme. Je m'approche des trois compagnons. Alors, tu vois surtout leurs épaules, il faut que tu fasses le tour de... Tu les contournes et que tu te mettes sur le côté pour voir ce qu'ils observent, puisqu'ils se tiennent, ils ont formé un arc de cercle et se tiennent les uns à côté des autres en regardant tous au même endroit vers l'eau qui s'est accumulée dans une fondrière, dans une dépression de terrain. Alors, partout entre les plantes en forme de pieuvre, il y a de l'herbe par plaque, mais il y a aussi des trous qui forment des fondrières, et puis un peu plus loin, des amas de cailloux, de pierres de la même nature que les pierres qui formaient le muret auprès duquel Pâquerette a trouvé plutôt à manger. Donc, tu les contournes, vous les rejoignez, ou vous continuez sur le chemin ? Non, moi je les rejoins. On les rejoint. Donc, vous vous trouvez à faire cercle autour d'une petite mare alimentée par un bras, un méandre de ce que devient Serpentine dans cette prairie noyée, égorgée d'eau turbide. L'eau y est ici presque bleutée, elle y apparaît bleutée d'autant plus. Dans un premier temps, vous avez pensé que c'était le reflet du ciel sur la pièce d'eau, mais c'est simplement que au-dessous il y a une plaque de métal ou d'une autre matière quelconque, grandement érodée, qui apparaît dans le trou et qui a de jolis reflets bleutés, un dégradé de bleuté. C'est tout bosselé, tout craquelé, abîmé par le temps. Mais on y voit des tas de bleus différents, comme on peut en contempler dans le ciel lorsque les nuages ne se sont pas amoncelés. C'est simplement Et là, dans l'eau, il y a des petits insectes, des araignées d'eau qui courent à la surface de l'eau. Les petits insectes qui marchent sur les eaux. Mais il y a au milieu de la mare un trou plus sombre. Et de ce trou plus sombre, il y a quelque chose d'orangé avec une petite boule blanche qui s'agite et qui forme des espèces de petits cercles qui ont créé un tout petit tourbillon dans la pièce d'eau qui était par ailleurs relativement immobile. Le courant d'eau amené par les méandres est très faible puisqu'il y a des araignées d'eau qui courent à la surface, mais à cet endroit il y a quelque chose qui est en train de bouger sous la surface, qui s'agite, quelque chose de blanchâtre comme une bille blanche. Est-ce que tu as encore toutes tes billes? Je regarde dans mon sac. Dans ta petite pochette, tu as bien tes billes, tu comptes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23. Tu t'es perdu dans ton compte, mais tu dois. Elles sont toutes là. Hein. Elles sont de quelle matière tes billes? En porcelaine. Elles sont en porcelaine. C'est sont des. À la base, il y en a combien? 19. Hein? Moi, c'est beaucoup. Moi, 10. 19. Non, c'est les craies. C'est les craies sont avec tes billes dans ta petite pochette. Il n'y en a pas 19, donc. Faire ça, moi en fait j'ai un petit peu de paquet comme ça et j'en ai. Donc tu manipules tes billes et elles ont des couleurs légèrement passées, elles sont pas toutes blanches tes billes. Normal, elles sont vieilles. Elles sont toutes blanches? Non, elles ont encore des couleurs. Tiens, ta besace. Comme ça, dans ta besace, tu as tes billes et ton gland, ton fruit. Mais tout est là. En revanche, là, ce que tu as entreaperçu dans la mare, c'est comme une bille qui maintenant affleure à la surface de l'eau. Une bille blanche, rutilante, qui brille encore plus que les tiennes. Elle flotte à la surface, comme ça. Ce serait pas un œil. Et la bille se tourne vers toi. Et une paupière vient tapasser sur la bille. Le sourd m'appelle directement comme ça, très vite. Qui n'est autre qu'une paupière, donc qui vient chasser les humeurs qui sont amoncelées à la surface de l'eau. Une autre bille fait surface. Je m'éloigne. Non mais Xavier, ce que je propose, là, ce qu'on a, c'est on a. Vous voyez donc deux pédoncules qui font surface à la surface. Là, on est là. C'est quoi des pédoncules? Les protubérances de chair au bout desquelles se trouvent. On est les croix. Par exemple, un escargot, il a. Oui, il en a deux. Donc. Comme sur un escargot, sauf que elles sont. Ces billes de la taille de ce dé. Xavier. Un peu plus gros que ton propre œil. Xavier, on est autour d'un marais, d'un plan d'eau. Tu vois deux yeux émerger. Donc, ce qu'il faudrait faire. T'as une pelle. Oui. Oui, mais il a dit qu'il serrait sa pelle. Et... Au lieu de la serrer, toi t'es sur un des bords. Tu l'observes. Donc avec ta pelle, ce que tu peux faire. Non. Et couper les yeux pour que la bête arrête de nous voir. Non, moi je m'approche, je vais voir Pâquerette. Tu t'éloignes et tu vas chercher. Et donc Pâquerette. Tu nous laisses. Et donc tu laisses le monstre. Donc vous voyez les deux pédoncules faire voilà. Surface. Voilà, fixement les deux pédoncules, en mode mais qu'est-ce que c'est que ce merdier ? Et c'est... Passe-moi ta pelle. Ce sont deux protubérances de chair qui bientôt sont rejointes par une tête barrée d'une grande bouche qui émerge de l'eau. Un corps écailleux... Bonjour. Orangé, un orange vif comme celui d'une grosse limace qui vont manger, baver et qui laisse cette ces couleurs moirées sur le sol pour marquer leur passage là où poussent les cressons au pays gris. L'eau ruisselle autour de la tête. Je dirais que ce sera pas. Et émerge un petit corps du trou. On a fixé mon truc en mode qu'est-ce que c'est que ce truc torturant. Refaites-vous ici. Nous nous dirigeons vers Cachel. Les yeux se regardent, s'agitent, se tournent à nouveau vers vous. Les lèvres sont un peu pincées. Et que comptez-vous trouver à Cassel ? Lui qui veut y aller, non ? J'essaye de trouver mon pays. Le pays gris. Les yeux sont tournés vers toi. Je ne connais pas le pays gris. Je connais beaucoup de pays, mais pas le pays gris. Le pays d'en dessous, la forêt du dessous. Bien. Si vous continuez par là, vous trouverez Dion. Par là. Dion. Cachel. Par là. Merci beaucoup. C'est très gentil de votre part. Je sens quelque chose de fameux que tu tiens, que tu serres tout contre toi, petit homme. Aurais-tu quelque chose à m'offrir en échange de mes précieux renseignements ? D'accord. Non. Ah, d'accord, oui ou non ? Oui. Et qu'est-ce que tu vas lui offrir ? J'ai des billes, des craies. Non, non, mais. Fais pas l'inventaire. Non, il fait. Tu vas pas. C'est encore tout humide de la rosée. C'est verdoyant comme le fond d'un jardin. Me donnerais-tu ton frais cresson, mon ami ? Car nous sommes amis. Un cresson. T'as un pied mère de cresson. C'est la salade que vous mangez et qui vous permet de vous nourrir de façon régulière dans la communauté. Là, c'est quand même le pied mère. Qu'est-ce que tu veux donner? Pied mère, c'est le pied mère. Alors, je lui donne. Tu lui donnes tout entier ou tu lui donnes seulement quelques feuilles? Je lui donne beaucoup de feuilles. Beaucoup de feuilles. Il s'agit de ton cresson surveilleur. Hein. Tu as été bien généreux. Remercier, petit homme. De rien. Et remercier également Adalrums. Et les yeux se révulsent. La bouche est grande ouverte. Il a saisi les feuilles que tu lui as tendues, les engloutit et... La créature disparaît par le trou au sein de la plaque de porcelaine ou d'une même matière lisse qui a attiré l'œil de tes deux jeunes amis, tes deux jeunes compagnons de voyage. Je dis, attendez, c'est qui ? C'était qui d'autre qui l'a dit ? Ah, tu te souviens pas ? Non. Ah, c'est l'oubli qui t'aura frappé ? Samael ? Demande à tes amis, peut-être que eux s'en souviennent. J'étais bouche bée, je n'ai pas vraiment vu tout ce qu'elle a dit. Non. Et tu t'en souviens pas ? Serait-ce les effets délétères de l'oubli ? Alors je propose aux autres qu'on continue notre route vers Cachel. Mais c'est pas moi les autres. Enfin j'en suis. Tu as bien pu appeler ce renseignement, autant l'utiliser. Alors, il a désigné deux directions. L'une qui traversait l'espèce de tourbière et l'autre qui repartait en suivant le chemin et s'enfonçait dans une espèce de masse brumeuse où à nouveau les végétaux ont droit de citer. Cachel, il l'a dit en deuxième, c'était tout droit alors que l'autre il a fait un truc comme ça. Voilà, et donc... La zone brumeuse vers laquelle se dirige le chemin, c'est ce qu'il a désigné comme étant Dion. Je propose qu'on continue notre chemin vers Cachel. Oui. Oui, vers Cachel, pas vers Dion. Est-ce qu'on en revient un peu là ? Enfin, on était dans ce chemin. Non. On va peut-être préférer les autres pour aller à Cachel et pas à Dion. J'ai pas tout compris, Mathieu. Non, après, peut-être prévenir les autres qu'on va à Cachel et pas à Dion en les redirigeant vers la bonne direction. Mm-hmm. Donc, ça implique de... Donc, on va vers Dion afin de les rattraper et ensuite on va vers Cachel. D'accord. Je propose de faire une petite pause pour... 3, 4... Vous rejoignez donc Dragon et la jeune Gaud qui se sont quelque peu éloignés sur le chemin, mais qui reviennent bien vite vers vous et Hertz se tourne vers vous tous. Mais vous allez écouter cette limace et Moi, ça me rassure pas de m'enfoncer dans cette tourbière. On devrait pas plutôt suivre le chemin, tout naturellement. Et moi, je propose de suivre Cachel, tout bêtement. Et je crois en cet être. Il a été payé après. Il a été payé par Samael après tout. C'est un traité équitable. Je ne vois pas en... Je ne pense pas que le bougre a menti. Moi non plus. Vous laisse ouvrir le chemin. vous qui êtes convaincu de la véracité des dires de cette bestiole. C'est un être, ce n'est pas une bestiole. Tu défends les bestioles gluantes, toi, maintenant ? Je viens de dire que ce n'est pas une bestiole, donc non, je défends pas les bestioles. Mais t'as vu en tout cas qu'il faudrait être prudent, même si c'est pas une bestiole, mais une créature quelconque. J'ai dit que c'était un être, pas une créature. Une créature, ça veut dire que c'est comme un monstre. Il se rapproche de l'ago des dragons. Bon, bah, puisque c'est par là qu'il faut y aller, allons-y, allons-o. De fait, alors que vous quittez le chemin, les premiers pas, s'ils se font sur sol sec, sont moins évidents à mesure que vous éloignez du chemin. L'eau a gorgé le terrain et la progression est donc rendue difficile. La terre colle à vos basques et vous progressez lentement. L'eau est de plus en plus présente et bientôt vous avez un rideau d'eau qui recouvre quasi uniformément le sol, même si la profondeur est minime. Les herbes et les pailles à fleurs, les paillis des herbes qui poussent entre les pieuvres que vous avez aperçues surnagent encore nettement de cet ensemble. Par endroits, il y a de petits buissons, des monticules, des raidillons avec un peu de pierre et bientôt Dragon et Lagode se dirigent vers l'un d'eux, le plus proche de vous. Une petite hauteur qui a échappé aux eaux. Et alors qu'ils gravissent la pente et que vous approchez avec eux, vous voyez à nouveau le même effet étrange, comme si le ciel se reflétait encore plus intensément à la surface de l'eau pour capter tout le bleu du ciel et le mêler au vert de l'herbe, enfin un vert incertain, indistinct, oscillant entre le jaune de la putrescence et le vert franc qu'adopte les espèces de pieuvres qui progressent et envahissent graduellement la prairie noyée. Arrivé en haut, Dragon se retourne vers vous et fait signe, place sa main sur la bouche. Il fait signe de douteur. Gaud sort le sèche-cheveux et vous fait signe d'approcher. J'approche en catimini. Moi je m'approche en tenant ma pelle, en me taisant. En essayant de faire le moins de bruit possible. Lorsque vous arrivez au sommet du raidillon, vous apercevez que en contrebas, il y a cette même ce même rideau d'eau qui recouvre les herbes, mais à l'aplomb même du raidillon, il y a une espèce de gouffre, de trou, de béance. bordée de, d'un épais taillis de végétal, des petits buissons où sont nichés plein d'oiseaux, de petits oiseaux qui pépillent dans les broussailles et qui semblent absolument pas effrayés par votre présence. Ils s'éloignent pas alors que vous vous tenez à quelques pas d'eux seulement. Ils continuent à pépier, de viser entre eux. Et de fait, vous n'aviez pas perçu ce changement dans votre environnement, mais vous n'aviez plus le bourdonnement omniprésent des moucherons, moustiques et autres parasites, mais des pépiments ténus d'oiseaux noyés dans la distance, mais toujours présents. Et là, vous êtes juste à l'aplomb d'un nid. En contrebas de vous, à 2 mètres à l'aplomb de l'endroit où vous vous tenez, se trouve un nid de brindilles sur lequel sont placés 4 bleus, d'un bleu pâle et luisant, un bleu de ciel ou le même bleu que celui que vous aviez aperçu sous les eaux de la Fondrière et auprès duquel avait émergé plutôt la limace. Auprès du nid, il y a deux morceaux de bois qui émergent et et quelques échelons d'une échelle qui descend à l'aplomb dans la pénombre du gouffre. Et face à vous, à quelques 4 ou 5 mètres, s'achève le gouffre en lui-même, l'autre bord du gouffre, bordé de buissons semblables à celui sur lequel repose le nid que vous avez pu observer. Et au travers des buissons retenus en partie par la végétation, l'eau descend goutte à goutte lentement vers les profondeurs du gouffre. Que faites-vous ? Moi, je reste où je suis et je me tais. Je range ma pelle. Je reste. Place ta pelle sur ton épaule. Je reste à côté de. C'est. Samael. Samael. J'allais dire Salamel, mais non. Samael, et j'observe. Eh, hey, Salamel. Salamel, ouais, pas mal. Salamelé. Non, Salamel. Sal. Lamel. Une lamelle. Ah oh. Bon, Samael. Je préfère. Salamel. T'as vu les œufs là? Ça doit être bon, les œufs. Et il y a Hertz qui entreprend de basculer dans le trou. S'accroche à la végétation, la branche craque légèrement, il se penche vers le nid, il penche avec la branche. Ah, c'est super ça, Hertz. Et il saisit un œuf. C'en est un. Je le pousse vers la terre. Tu tires la branche vers toi pour le ramener vers toi, c'est ça? Oui. Alors, la branche, c'est pas une bonne idée. Prends-le au corps. Et prends le corps. Tu prends la branche, puis tu te ravises et tu écoutes son conseil et tu... Non, je prends Le corps de. Et t'avais dit la branche. Voilà. Oui. Je prends son corps. Tu te ravises. Si jamais il se casse la voilà. Alors je suis derrière au cas où. Mais tu fais bien parce que la branche craque. en portant j'essaye de l'attraper. Un premier ami, puis un deuxième. Et moi j'essaye. Appelle à un ami. Aidez-moi, et là, justement, je viens. Vous entendez ? Et vous soulevez les deux gamins, mais vous avez entendu un. Mais ! Qu'a dit mais ? Bon. Oh non ! Vous êtes tous assis dans la boue au bord du gouffre. Il est coincé l'œuf. Il y a plein de coquilles. T'en veux ? Non, merci. Tu manges. Après, tu vas encore te plaindre. Non. Tu manges. C'est pas une... Tu lui en passes un bout ? Non, trop tard. Il lui a déjà proposé à plusieurs reprises. Et en reste, tu peux laisser les coquilles si tu veux. J'en veux pas. J'ai pas faim. Il reste encore 3 œufs, hein. Si vous m'aidez, je peux aller les cercer. Oh, allez, passe ta pelle. Non. Si, passe ta pelle. Non, elle est précieuse. C'est lui un coup de main. Ok. Moi, ta pelle. Non. Non, mais je veux pas te voler ta pelle. Le gamin, tu vas un peu écouter ici. T'es pas le chef. T'es pas censé nous frapper. Stop. C'est le meilleur idée, c'est Samuel. Ou seule la mêle, on s'en fiche. Tu l'aides à faire ce qu'il voulait faire. Mais tu gardes ta pelle. Allez, sois sympa, sale lamelle. Explique-lui ce que tu veux faire avec la pelle. Bah, prête-moi la pelle, je vais pouvoir attraper les œufs sans me casser la margoule. Je m'en occupe. Tu On dit margoulette. Bah, margoulette. J'ai de bonnes os quand même, donc on peut dire margoule, hein. Et quand il dit ça, tu vois apparaître là deux dents qui remontent comme ça dans le sens contraire des autres dents et qui ont eu un mouvement mécanique comme ça à l'intérieur de sa bouche. Je m'en fiche, je prends les œufs. Tu prends la pelle et tu charges les œufs. Mmh. Tu as jeter un dé pour déterminer et savoir si tu ramènes les œufs à bon port sans glisser. Est-ce que vous l'aidez? Attends, avant de jeter. Est-ce que vous l'aidez? Oui. Qu'est-ce que tu fais pour l'aider? Tu l'assures, tu le tiens. J'ai premièrement, avec un bout de ficelle, j'enroule ma ficelle sur la pelle que je colle hein, les arceaux qu'il y a sur ma tenue. Oui. Et je le maintiens comme un bon par la ceinture. Voilà. Moi j'ai aussi des cordes avec des poulies, donc je vais essayer de. Il y a une branche solide. Bah là il n'y a pas d'arbre, non. Il y a juste des buissons bon, et le buisson n'a pas supporté le poids de. C'est l'une des cordes de ma tente pour l'assurer. De l'autre côté, on ne sera pas trop deux assureurs. Vous l'assurez tous les deux. Hop. Vas-y. Là, t'as les ratés. Alors, non. Tu jettes 2 dés. Et on prendra le meilleur des deux. Voilà. 7, 16. Alors, là, c'est les nerfs qui jouent. Tu as quoi comme bonus ? Plus 4. Donc, tu dois faire plus de 15. Tu as obtenu 16. Plus 4, 20. Donc tu réussis puisque tu dois obtenir un résultat. Haut la main grâce à nous. Hein. vous le voyez se pencher sur un pied. Hop, il charge la pelle, pivote sur son pied. Hop, et pose tout doucement la pelle et son contenu sur le bord du gouffre. Les 3 œufs sont arrivés à bon port. Il y a des petites mouchetures, des petites marbrures sur les œufs, mais ils sont d'un bleu très très pâle et légèrement luminescent, un peu comme le post-it qui est là. Je dis à Arz d'attendre parce que je les ai remarqués. Eh, C'est moi qui ai eu l'idée, hein. Alors moi j'ai droit à encore un peu d'œuf, hein. Oui, mais il y a un truc dessus. C'est suspect. Bah, vous en avez mangé, je me suis pas transformé en oiseau, moi. Ça peut bien. Je fais pas cuit-cuit. Je fais. Ce que je propose, c'est nous sommes 5. Alerte sur le chapouloté en 9. Même s'il l'a trouvé, il peut partager sa part avec. Salamael. Salamael. Tu en as toujours un peu plus que tout le monde. Et tu partages un œuf avec Salamael. Moi et Smerdi, on en partage un. Et on laisse le dernier pour. Alors c'est moi qui casse l'œuf, hein. Salamael. Pour la du dragon. Ça vous va ? De m'appeler Salamael. Bref, ça vous va tout le monde ? Oui. Je t'envoie une réponse de la bonne. Okay. Hertz se saisit d'un œuf. C'est moi qui le casse, hein, Salamael. Bah oui. Donc moi je casse l'œuf. Je fais bon, vas-y, serre-toi. Moi je prends le mien. Ah non, moitié plus un petit bout. Tu leur donnes. Si tu veux, je prends ce qui reste. Vous gobez les œufs. On se les partageait équitablement. J'ai mis à la Obélix. J'en ai un peu moins. Mais n'importe où idée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais les enfants. Je et là, parle. Vous voyez émerger les. Il se rattrape in extremis à l'échelle qui reposait à côté du nid. Vous voyez émerger une tête hirsute avec des cheveux blancs en bataille sous un bonnet crasseux. Il se hisse tout debout. Mais faut pas glaner les œufs bleus. Ça va pas la tête. J'ai prévenu Hertz, ensuite il a voulu qu'on mange. Moi je Alors si Hertz te dit mange, tu manges. Si Hertz dit saute, tu sautes. Peut-être. Pourquoi il fallait pas les manger? Ce sont les oiseaux du marais. Nous ne venons pas d'ici, vous pouvez m'expliquer? Attendez que les tueurs vous croisent. Vous m'en direz des nouvelles. Remontez, vous allez vous casser la gueule. Ok. Il remonte, fait attention à ne pas écraser le nid. Se hisse sur le bord. Il est vêtu de vieux vêtements de laine tout sale, couvert de toiles d'araignée, de boue, maculé, rapiécé. Il a des petits yeux cachés sous des sourcils broussailleux. Une barbe touffue. Alors, les gamins, faut pas glaner les œufs comme ça, hein? Ça se fait pas! On ne se fait pas, on vient pas d'ici. Ah! Alors, ça explique tout, le brave gamin. Mais. Fais attention aux tueurs tout de même, hein? Ils l'entendront pas aussi. Sereinement que moi, hein? Hein? Sur le vote, sur eux. Merci de nous avoir prévenus. C'est très gentil de votre part. Quand il retire sa main, tu vois sur son poignet, ici, il y a sa main qui est velue avec des poils grisonnants c'est peut-être un jeu du soleil, mais là tu as l'impression que c'est pas des poils, c'est des lichens. Du lichen, l'espèce de mousse. De la vert, mousse qui pousse, partout. Le long des troncs des arbres. Et aussi sur les murs, ouais, et etc. Sur la pierre. Et sur Hertz. Et là, le même duvet qu'avait Choubdia tantôt quand Hertz a fait Dieu. Et donc, non, Hertz n'a pas de lichen. Mais vous êtes qui, monsieur, d'abord? Parce que vous nous donnez des ordres comme ça, mais si je dis à mon copain qu'il doit aller cercer les œufs, c'est que j'ai une raison, moi. Hein? Parce que moi, je suis Hertz. Tu veux la bagarre, monsieur, d'abord? Et Hertz, calme-toi. Tu veux la bagarre, monsieur, d'abord? Hertz, on n'agresse pas les gens. Hertz. Monsieur. Tu veux la bagarre, monsieur, d'abord? On n'agresse pas les gens, je t'ai dit, Hertz. Il se tourne vers toi. Quand même. Quand même. Quand même, rien du tout. Je l'attrape par le cou. Mais lâche-moi, toi! Je t'excuse. Désolé, monsieur, je ferai plus. Je ferai plus la bagarre avec vous. Moi, je sors ma pelle, je la mets comme ça et je rigole. Non, mais tu sors pas, tu l'as déposée. Je l'ai repris. Moi, le monsieur, je m'appelle Alphonse. Ah, d'accord, je vois qui c'est. Alors, à la demande de Mathieu, on va... Ouais, bah c'est juste histoire de pas être décalé. D'accord. On a beaucoup avancé. On va s'arrêter là. Et on va... On va procéder à un petit bilan... Comme d'habitude, la comme routine. Comme d'habitude, voilà. La routine, c'est... Je vais devenir Hertz. Ah bon? Alors... est-ce que le ton de l'histoire vous a plu? Oui, moi, je oui. me suis senti mature ici. Question habituelle, oui, comme d'hab. Et j'aimerais bien rejouer après avoir quand est-ce que c'est possible. Mmh. Donc je serai le week-end prochain, a priori. Xavier? Oui. Est-ce que t'as. Est-ce que Hertz te fait toujours peur? Plus maintenant. Plus maintenant? Cherche plus. Il faut plus qu'il cherche la bagarre avec moi. Hein. D'accord. Et Maintenant, c'est un peu Alphonse qui me fait peur. Ah bon? Tout lui fait peur. Et surtout les tueurs, là. Les tueurs dont Alphonse a parlé? Est-ce que t'as vraiment super peur ou est-ce que c'est plus un petit peu peur? Un petit peu peur, mais beaucoup plus pour les tueurs. Ça sent qu'on va se faire... Mais de toute manière, Xavier, tu sais très bien que c'est... Un jeu. Un simple jeu et que ça va pas influer sur ta vie, donc... Oui, alors, mais c'est un... Alors, devant les films d'horreur, tu pourras rassurer tes voisins qui sont en train de hurler. Eh, mais c'est qu'un film, hein, ils hurleront quand même, hein. Ça, c'est parce que même si c'est eux qu'on dit, on va voir le film. Hein. Je t'assure. Hein. Je m'en fous, je vais pas voir des films d'horreur avec les gens de ma classe. Ou des voisins. Oh, il y a une fois où on a fait la connerie de le faire. Oh, putain, c'est chiant. Pardon. Fin de l'anecdote. Alors, Je retire les trucs. Les billes. Eh, mais c'est avant ça. Est-ce que t'as fini avec le débrief? Vous avez d'autres précisions? Est-ce que pour vous, c'est une question qui m'a été posée par... Thomas? Non, Damien. Est-ce que vous considérez que le format, là, on est sur à peu près une heure de jeu encore, si je ne m'abuse? On est à 1h02 exactement. D'accord. En temps total, on a commencé à 21h, il est 22h30, ça fait 1h30. On a commencé à 21h12, donc... Oui, on a eu moins de off que d'habitude. Voilà, on était plus dans la partie. Mais est-ce que donc le fait qu'on joue sur un format où sensiblement on est sur 1 heure de... Non, de temps de jeu. Là, c'est juste moi qui ai imposé une limite horaire. Parce que là, j'ai imposé une limite horaire histoire que lui, il se lève pas à 14h du matin. Et moi, déjà de base, je me lève à 14h du matin à la maison pendant les vacances. Donc, c'est géré. Oui, mais justement, c'est pour être en décalage que je dis 14h du matin. Mais tu veux pas de décalage et tu dis 14h du matin. T'es un peu décalé, hein. Non, mais c'est pour éviter de se lever à 14h du matin, justement. Parce que si je me lève après mon examen lundi, ça va moyennement le faire. Donc, est-ce que vous estimez que, en soi, le fait qu'on se cantonne de facto plus ou moins une heure de jeu à proprement parler, de fiction à chaque fois, c'est préjudiciable au plaisir de jeu. Non. Non. Donc moi c'est ça la. Ça peut être frustrant parce que on avance moins vite du coup. Oui. Alors, ce qui fait 4 heures par mois, c'est pas. Enfin, 4 heures de fiction par mois, c'est pas non plus. Ouais, c'est pas énorme. Là, ça fait 14 semaines, je regardais, que nous avons commencé l'histoire des Brimbeux. Et on a quand même, je pense, déjà un sacré nombre de. Mais moi, j'ai répondu pour ma part à Damien que ça ne me dérangeait pas, ça n'amoindrissait pas le plaisir que je retirais des parties. Éprouvé à jouer, mais lui, sa demande, c'était autour de la notion de frustration. Est-ce que c'était frustrant? Moi, je disais non, pour peu qu'il y ait l'intensité, c'est-à-dire qu'il y ait un partage réel autour de la table et qu'on se retrouve avec une histoire qui nous a plu à tous. Donc là, moi j'avais prévu un peu plus de petits événements, de rencontres, etc. On a joué qu'une portion de ce que j'avais envisagé comme possibilité sous le concept, concept d'aventure, et etc. Y compris pour toi, hein, Xavier. On a rencontré deux personnages là. Oui, mais on aurait pu avoir plus d'interactions, plus d'histoires. Ah, t'as dessiné notre ami. Notre ami d'affaires. D'accord. Notre ami d'affaires. Aide égale salade. Méchanceté 0%. Donc, je vais t'offrir un bonus. Je vais t'emprunter ton crayon. Oh. Et alors, d'affaires, ça ne s'écrit pas comme c'est ça. C'est pas grave, hein. C'est pas grave. Alors, c'est rigolo. On va dire que il a dit transmettez mes meilleurs sentiments Adalfons. C'est qui? C'est lui? Attends. Adalfons. Ça veut dire quoi en allemand déjà? C'est en allemand. Mais oui, c'est de l'allemand. C'est du norrois. Ah, c'est les deux que je vois en ce moment. Adal, c'est noble. Et Funz, c'est vif, rapide. Vache et snil. Voilà, c'est mon dernier mot. Même si ça veut rien dire dans le cas précis. Mais écoute, simplement, il a dit, transmettez mon bon souvenir à Adalfons. Donc vache et snil, ça veut dire s'il te plaît, donc c'est vraiment rien à voir.